One, two, three, five! Génération 60, le son des 60s. Salut, c'est Mike Lécuyer. On va commencer avec mon premier 33 tours de pop musique anglaise, c'est-à-dire les Rolling Stones en 1964. Leur premier album n'avait même pas leur nom sur la pochette recto. Il fallait retourner le disque pour découvrir leur nom et les titres des chansons. J'ai acheté le disque sans même l'écouter, tellement la pochette m'avait sauté à la gueule. Et le premier morceau de ce premier 33 tours des Stones, eh bien c'est Route 66, 1964. Rolling Stones ont pris leur nom d'après une chanson de Muddy Waters. Eh bien, les Pretty Things se sont inspirés d'une chanson de Bo Diddley. Les Pretty Things en 1964. Don't Bring Me Down. I'm on my own. Just wanna roll. Tell you, man, don't want a home. I want around the other ground. I need to go from town to town. I say, I think this life is grand. Say, I dig it, man. Don't bring me down, man. Don't bring me down. I met this shit the other day. And then to me, she says she'll stay. I got this bag, just like a cave. And we had a little rain. And then I beat her on the ground. My head is spinning round. Don't bring me down. Don't bring me down. Someone new, C'était les Pretty Things en 1964. Et puis en 1965, en France, Ronnie Bird, eh oui mesdames, messieurs, Ronnie Bird vient tacler les yéyés et nous propose du rhythm and blues, du rock and roll et du blues. Il adapte des Pretty Things que l'on vient d'entendre. Ça devient « Tu perds ton temps », Ronnie Bird, en 1965. Il avait le look, il avait le costard, il avait la coiffure, il avait la voix. Y'a rien à faire pour la séduire. Elle prend des airs à vous faire fuir. Y'a rien à faire pour la sortir. Elle veut jouer les mijaurés. Je ne suis pas celle comme vous croyez. Pourquoi insister? Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Comment lui plaire? J'ai essayé mille manières de l'aborder. Y'a rien à faire. Les mijaurés, je ne suis pas celle que vous croyez. Pas la peine de t'insister, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Vous m'invitez, je lui ai dit sans hésiter. Pas la peine de t'insister, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Je lui ai dit sans hésiter. Pas la peine de t'insister, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. C'était donc Ronnie Bird. Il n'avait pas que le look, il avait aussi le son, grâce à de super musiciens, dont sur certains morceaux, Mickey Baker, un fameux guitariste arrangeur américain qui était venu s'installer en France. Wonderful Radio London. Whoopee. Ah, quelle année magique, ce 1965! Encore un ovni dans le monde de la pop musique anglaise avec les Who. Leur premier 33 tours, c'est une déflagration. C'est John Entwistle à la basse, Keith Moon le batteur fou, Pete Townshend lead guitar compositeur et Roger Daltrey au chant. Les Who, l'hymne de notre génération, My Generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. Trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. My generation, baby. dig what we all about my generation. Cause we could get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Après l'Angleterre et puis la France, on va quand même franchir l'Atlantique et l'écouter à un artiste américain. Alors j'ai choisi Bob Dylan pour cette première émission, car Like a Rolling Stone, c'était quelque chose pour nous petits Français qui ne comprenions pas bien l'anglais. Je me rappelle au Tréport, en cet été 1965, on jouait au flipper, au baby-foot dans un troquet et au jukebox passait sans arrêt ce morceau. Et on était presque persuadé que cet artiste parlait des Rolling Stones, que c'était un morceau en hommage aux Stones anglais, alors que non, pas du tout. Rolling Stone, ça veut dire vagabond, voilà. Mais on ne le savait pas trop encore à cette époque. Voici donc Bob Dylan, Like a Rolling Stone, en 1965. You dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? You know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel to have you on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? Ah, princess on a steeple and all the pretty people, they all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown? Exactement 30 grosses secondes, cet enregistrement sonore se détruira de lui-même. Non, exactement 29 grosses secondes, cet enregistrement sonore se détruira de lui-même.